Lacan, le 12 mars 1974, au Panthéon. Voilà les deux premières figures, là je me les suis tapées sans avoir besoin de plus de repères. Vous avez pu voir que la troisième, là, tout à fait sur la droite, il a fallu que je me batte avec un petit papier à la main. Est-ce que ça s'entend ou pas, ce que je raconte? Est-ce qu'il est là encore, le... Ça ne marche pas? Si, ça marche. Bon. Alors, j'entre dans le vif du sujet, quoique j'ai bien sûr envie plutôt de parler d'autre chose. Dire, par exemple, que j'ai pas à me plaindre, enfin que je donne, enfin, du même coup que je vous donne, je m'en excuse, je vous donne à manger du foin, c'est du foin, enfin, c'est des trucs qui s'entrecroisent et qui ne passent pas. De sorte que je n'ai pas à me plaindre en ce sens que de deux choses l'une, où on me rend mon foin tout de suite, c'est ce qui arrive comme ça. Mon foin tel quel, enfin, ça. C'est pas du tout quelque chose qu'on ne supporte pas. On me le resserre tel que je l'ai proposé, c'est ce qui arrive à certains. Puis alors il y a des personnes, par exemple, que ce foin chatouille tellement à l'entrée de la gorge qu'elles me vomissent du Claudel, par exemple. C'est parce qu'elles l'avaient déjà là. Enfin, je suis embêté parce que la personne à qui j'ai fait vomir du Claudel a juste téléphoné pour ça, à Gloria, naturellement, au moment pour lui demander où se tenait mon séminaire. Je suis absolument désolé, enfin j'espère qu'elle a fini par le savoir, elle est peut-être là. Enfin, en tout cas, si elle n'est pas là, qu'on lui porte mes excuses, parce que Gloria l'a envoyé au plot, et c'est pas du tout ce que j'aurais désiré. Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas venue manger du foin avec tout le monde? Bon. Bon, il y a ce bon foin en question, facile. C'est ce que vous savez qui est à l'ordre du jour, n'est-ce pas? Par mon fait, c'est le nœud borroméen. Je peux dire que je suis gâté parce que on vient de m'en apporter un africain. C'est le nœud borroméen en personne, n'est-ce pas? Il est, je vous en certifie l'authenticité, parce que depuis le temps que je le manie, je commence à reconnaître un bout. Et ça me plaît beaucoup, parce que s'il y a une chose autour de quoi je me casse la tête, j'ai même interrogé là-dessus, enfin c'est de savoir d'où ça vient. On l'appelle borroméen, c'est pas du tout qu'il y a un type qui un jour l'a découvert, c'est bien entendu découvert depuis longtemps, et ce qui m'étonne, c'est que... Ben, c'est qu'on ne s'en soit pas plus servi, parce que C'était vraiment une façon de prendre ce que j'appelle les trois dimensions. On les a prises autrement, et il doit y avoir des raisons pour ça. Il doit y avoir des raisons pour ça parce qu'on ne voit pas du tout pourquoi. Enfin, on ne voit pas au premier abord. On ne voit pas pourquoi on n'aurait pas essayé de serrer le point, de faire le point, si vous voulez dire, avec ça, plutôt qu'avec des choses qui se coupent. C'est un fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Quel sort ça aurait eu si ça s'était passé comme ça? Il est probable que... Il est probable que ça nous aurait... Dresser tout différemment. C'est pas du tout que ce qu'on appelle les philosophes, c'est-à-dire, mon Dieu, ceux qui essayent de dire quelque chose à nos états, d'y répondre. C'est pas du tout qu'on n'ait pas trace que ces histoires de nœuds, justement, ça ne les ait pas intéressés parce que il y a vraiment très longtemps que des personnes qui se trouvent curieusement avoir autant qu'on le sache. Cette classe est depuis longtemps, autant qu'on le sache, parmi les femmes, enfin ce que j'appelle les femmes. Et c'est au pluriel, enfin, comme vous le savez, enfin, il y en a quelques-uns qui sont là depuis longtemps, que les femmes, elles s'y entendent à ça. À faire des trames, des tissus. Et ça aurait pu mettre sur la voie. C'est très curieux que, bien au contraire, ça ait inspiré plutôt intimidation. Aristote, on parle, c'est très curieux qu'il ne l'ait pas pris pour objet. parce que ça aurait été un départ qui n'aurait pas été plus mauvais qu'un autre. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que les nœuds, ça s'imagine mal? Ça, comme ça, parce que c'est fait d'une certaine façon, ça se soutient. Mais c'est une fois que c'est mis à plat, que c'est pas commode à manier, et c'est probablement pas pour rien. Enfin, que, avec ces nœuds, c'est toujours des choses qui font tissu, c'est-à-dire qui font surface qu'on a essayé de fabriquer. C'est probablement que la chose mise à plat, la surface, c'est très lié à toutes sortes d'utilisations. Oui. Les nœuds s'imaginent mal. Je vais tout de suite vous en donner une preuve. Bon. Vous faites une tresse. Une tresse à deux. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Il suffit que vous entrecroisiez une fois, puis une seconde. Au bout de deux, vous retrouvez vos deux dans l'ordre. Nouez-les maintenant bout à bout, à savoir le même avec le même. Eh bien, c'est noué. C'est même noué. On peut dire deux fois, ça fait double boucle. Ça tient ensemble ce que vous avez rejoint, c'est-à-dire, comme l'a un jour mis en titre de mon dernier séminaire de l'année dernière, mon fidèle Acate, il a appelé ça les rangs de ficelle. Je ne sais pas si dans le texte j'avais appelé ça comme ça ou autrement. C'est probable que je l'avais appelé comme ça, mais il l'a mis en titre. Bon. Bien. Faites maintenant une tresse à trois. Avant que vous retrouviez dans une tresse à trois les trois brins, appelons ça des brins aujourd'hui, par exemple, les trois brins dans l'ordre, il faut que vous fassiez six fois le geste d'entrecroiser ces brins. Moyennant quoi, après que vous ayez fait six fois ce geste, vous retrouvez les trois brins dans l'ordre. Et là, de nouveau, vous les joignez. Eh bien, c'est quand même quelque chose qui ne va pas de soi, qui ne s'imagine pas tout de suite. C'est que si une fois ce nœud que je vous ai dit tout simplement être un nœud borméen, à savoir tel qu'il est sous sa forme la plus simple, celui qui est là à gauche, ça ne va pas de soi qu'ayant tressé, comme dans le premier cas, vous voyez à la fin du compte que ça tient d'un double nœud, ça ne va pas de soi qu'il suffise que vous rompiez un de ces brins pour que les deux autres soient libres. Parce que, au premier regard, ils ont l'air très bien tortillés l'un autour de l'autre, et on pourrait présumer qu'ils tiennent tout aussi bien que dans la tresse à deux. Eh bien, pas du tout, vous voyez. tout de suite que... Il sait pas. Il suffit qu'on coupe un des trois pour que les deux autres s'avèrent n'être pas noués. Et ceci reste vrai quel que soit le multiple de 6 dont vous poursuiviez la tresse. Il est bien certain, en effet, que puisque vous avez retrouvé vos trois brins dans l'ordre au bout de 6 gestes de tressage, vous allez également les retrouver dans l'ordre quand vous en ferez 6 de plus. Ça vous donnera, si vous en faites 6 de plus, ce nœud borroméen-là. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici passer une fois à l'intérieur des deux autres nœuds, que vous pouvez voir qu'ils sont, c'est pour ça que je les ai présentés comme ça, libres l'un de l'autre. Vous faites ça, en réalité, ici, vous voyez, deux fois. Et c'est toujours un nœud dit borroméen en ceci, que quel que soit celui que vous rompiez, les deux autres seront libres. Avec un tout petit peu d'imagination, vous pouvez voir pourquoi. C'est parce que prononcer deux ici, par exemple, sont telles que, disons, pour dire des choses simples, ou pas, sont l'un au-dessus de l'autre. Mais vous pouvez vous apercevoir que c'est vrai pour chaque couple de deux. Bon. Voilà deux façons faire le nœud borroméen, mais qui ne sont en réalité qu'une seule. C'est à savoir de les tresser un nombre indéfini de fois multiple de 6, ça sera toujours un aussi authentique nœud borroméen. Je m'excuse pour ceux que ça peut fatiguer, ça a tout de même une fin, ce que je vous raconte là. Je voudrais seulement vous faire remarquer ceci. C'est que le conte n'est pas fait pour autant. Vous pouvez tresser aussi longtemps que vous voudrez, pour vous que vous vous en teniez à un multiple de 6, aussi longtemps que vous voudrez... La tresse en question, ce sera toujours un nœud borroméen. Déjà, à soi tout seul, ça semble ouvrir la porte à une infinité de nœuds borroméens. Bon. Eh bien, cette infinité déjà réalisée virtuellement, puisque vous pouvez la concevoir. Cette infinité ne se limite pas là. Tel l'exemple que je vous en donne au tableau, sous la forme. Que vous voyez ici, la boucle, si je puis dire, est double. Et que le nœud borroméen ici se réalise d'une façon que j'avais d'abord tracée, d'une façon telle qu'on voit bien en tirant ici. que ça fait mieux. Vous pourriez aussi bien le dessiner en faisant ici revenir la boule dont vous voyez qu'elle passe sous un prisme et celle et revenir toutes les deux. Elles feraient le tour alors là où seront et reviendraient y s'inscrire en croisant par en dessous. Les deux boucles qui se trouvent ici à cause de l'arrangement être parallèles, les données forment en croix. Si vous arrangez le nœud borroméen de cette façon, j'espère que j'ai fait imaginer ce que pourrait être ce dessin. Vous voulez que je le trace, je le tracerai. Il devient entièrement symétrique. Et il a l'intérêt de nous représentifier sous une autre forme la matérialisation qu'il peut donner sous cette forme à la symétrie, précisément. La symétrie en deux mots, n'est-ce pas? La symétrie, d'un autre côté. C'est-à-dire de nous montrer qu'il y a une façon de présenter le nœud borroméen qui, dans son tracé même, nous impose le surgissement de la symétrie, à savoir du 2. Il n'y avait pas besoin d'aller si loin pour nous en apercevoir. C'est à savoir que à simplement, je dirais, tirer cette partie du rond de ficelle, vous pouvez ça facilement vous imaginer le résultat que ça va avoir, à savoir, ce rond de droite, de le plier en deux, à savoir obtenir ce résultat qui se présente comme tel. Moyennant quoi, vous voyez que il en résulte, c'est ceci, à savoir qu'un des ronds tire le nœud plié en deux, la boucle pliée en deux, dans ce sens, tandis que l'autre se présente ainsi, vous avez là peut-être d'ailleurs moins saillant à vos yeux, de quelque chose qui fait que à trois, ces nœuds, vous ne pouvez pas les dénouer, mais qu'il suffit qu'un quelconque d'entre eux manque pour que les deux autres soient libres. C'est même une des façons les plus claires d'imager ceci, que vous pouvez, si vous faites passer à l'intérieur du nœud que j'appelle, de la boucle que j'appelle boucle pliée. Si vous faites passer une autre boucle pliée de la même façon, vous pourrez nouer un nombre indéfini de ces rondes ficelles et qu'il suffira qu'un soit rompu, qu'un fasse défaut, qu'un manque, pour que tous les autres se libèrent. Moyennant quoi ce que veux pour vous venir à l'esprit, c'est que, puisque ce que vous avez ajouté un nombre indéfini de fois, ce sont des nœuds pliés pris les uns dans les autres, vous n'êtes pas forcé terminé par ce que vous voyez fonctionner, à savoir un simple rond de ficelle. Vous pouvez boucler le cercle complet d'une façon qui fasse encore, qui fasse se fermer la chose par un cercle plié, à savoir que c'est avec un de ces cercles que vous feriez la clôture. Si vous faites la clôture avec trois, ce que vous obtenez, c'est juste très précisément ce résultat. À savoir qu'à partir de là, vous pouvez réaliser cette idée. C'est-à-dire que du maniement à trois, du nœud borroméen, donc vous voyez qu'il peut fonctionner sur un beaucoup plus grand nombre, du maniement à trois, vous faites surgir cette figure dont je vous ai dit qu'elle présentifiait la symétrie dans le nœud borroméen même, c'est-à-dire qu'elle y inscrit le 2. Ce qu'il faut souligner, avant de clore cette démonstration, disons, figurée, ce qu'il convient de souligner, c'est ceci. C'est que, à chacun de ces trois rondes ficelles, vous les appelez ainsi de la façon d'image, à chacun de ces rondes ficelles, vous pouvez donner par une manipulation régulière, vous est donné la patience du faudra à chaque fois, à savoir aussi bien à ce rond-ficelle-là qu'à ce rond-ficelle-là aussi. Vous pouvez donner exactement la même place qui est celle que vous voyez ici figurée du troisième. Quoi donc me sert ce nœud borroméen à trois? Il me sert, si je puis dire, à inventer la règle d'un jeu de façon telle que puisse s'en figurer le rapport du réel très proprement à ce qu'il en est, de l'imaginaire et du symbolique. C'est à savoir que le réel, au regard de ce que nous repérons dans une certaine expérience, comme l'imaginaire et le symbolique, c'est ce qui en fait trois. Ça en fait trois et rien de plus. Il est frappant que jusqu'ici, il n'y ait pas d'exemple. Il n'y ait pas d'exemple qu'il y ait jamais eu un dire qui pose le réel non pas comme ce qui est troisième, car ça serait trop dire. Mais ce qui, avec l'imaginaire et le réel, fait trois. Ce n'est pas tout. Avec l'imaginaire et le symbolique, fait trois. Ce n'est pas tout. Par cette présentation, ce que j'essaie d'accrocher, c'est une structure telle que le réel, à se définir ainsi, soit le réel d'avant l'ordre, que la nodalité nous donne ce quelque chose qui, à le dire d'avant l'ordre, ne suppose nullement un premier, un deuxième, un troisième. Et comme je viens de vous le souligner, même pas un moyen avec deux extrêmes. Car même dans la première forme du nœud borroméen, celle que je vous ai, dont je vous ai montré, qu'elle permet comme terme moyen, nouant deux extrêmes, ce cercle plié que je montre ici dans la figure en bas à droite, même dans ce cas, n'importe lequel des trois cercles peut jouer ce rôle. C'est-à-dire que ce n'est nullement lié, si ce n'est pour vous le faire imaginer, justement, la figure de gauche. La figure de gauche n'était là pour vous rendre accessible ceci, qu'il y a moyen dans le cercle plié, mais n'importe lequel deux autres peut remplir la même fonction, les autres prenant dès lors la position d'extrême. À quoi ceci nous mène-t-il? C'est à remarquer que si nous intéressons aux deux, qui est bien le problème présentifié par quelque chose qui est vraiment, on peut le dire, insistant dans ce que nous livre l'expérience du discours analytique. Ce n'est pas pour rien qu'elle introduit ce deux par excellence qu'est l'amour de sa propre image, c'est bien l'essence de la symétrie elle-même. Est-ce que ceci ne nous introduit pas à cette considération que l'imaginaire n'est pas ce qu'il y a de plus recommandé pour trouver la règle du jeu de l'amour. Ce qui s'en livre à l'expérience, si c'est représentation imaginaire, comme nous sommes arrivés de l'expérience elle-même. À nous le faire imposer, on s'imagine que l'amour, c'est deux. Est-ce que c'est tellement prouvé, si ce n'est par l'expérience imaginaire? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas ce moyen, comme d'ailleurs l'indique que c'est au niveau de ce moyen que se produit cette fois 2 fois 2, pourquoi est-ce que ça ne serait pas ce moyen dont je viens de vous souligner qu'il est d'ailleurs girovague, je veux dire vagabond, qui peut aussi bien être rempli par un quelconque des trois, pourquoi est-ce que ne serait pas ce moyen qui va se pourvoir d'une suspecte façon de cette forme d'image de lui-même, ce moyen qui livrerait, correctement pensé, à savoir à travers le réel de ses connexions, le ressort de ses nœuds. En d'autres termes, est-ce que le nœud borroméen n'est pas le mode sous lequel se livre à nous le 1 du rond de ficelle comme tel? Le fait, d'autre part, qu'ils sont trois, ces uns, et que c'est à être noué, seulement à être noué, que nous est livré le deux. Il y a là beaucoup de considérations où je pourrais m'égarer, si je puis dire, parce que elle ne serrerait pas encore plus près ce caractère, si je puis dire, premier du trois. Il est premier, non pas au sens de ce qu'il serait le premier à être premier, puisque, comme chacun le sait, il y en a un autre qui est dit-tel. Mais s'il est dit-tel le deux, c'est d'une façon qui est bien singulière, puisque il n'est pas dit d'aucune façon qu'on puisse y accéder à partir du 1, ne serait-ce que de ceci, que, comme on l'a remarqué depuis longtemps, dire qu'un et un, ça fait deux, c'est du seul fait de la marque de l'addition supposée réunion, c'est-à-dire déjà le 2. En ce sens, le 2 est quelque chose d'un ordre, si l'on peut dire, vicieux, puisque il ne repose que sur sa propre supposition. Joint par un plus 2-1, c'est déjà installé le 2. Mais tenons-nous-en simplement pour l'instant à ceci. C'est que ce que le nœud borroméen nous illustre, c'est que le 2 ne se produit que de la jonction de l'un au 3. Ou plus exactement, disons que si l'on dit que, comme on l'a fait humoristiquement, que le numéro 2 se réjouit d'être impair, ce n'est certainement pas sans raison. Il se réjouit, il aurait tort de se réjouir d'être impair, car s'il se réjouissait pour cela, ce serait dommage pour lui. Il ne l'est sûrement pas, mais qu'il soit engendré par les deux impairs, 1 et 3, c'est en somme ce que le nœud borroméen nous fait saillir, si je puis dire. Vous devez tout de même bien sentir le rapport que cette élucubration a avec notre expérience analytique. Freud est assurément génial. Il est génial en ceci que ce que le discours analytique a fait saillir sous sa plume, c'est ce que j'appellerais des termes sauvages. Lisez Psychologie des masses et analyse du moi, et très précisément au chapitre identification, pour saisir ce qu'il peut y avoir de génial dans la distinction qu'il y formule de trois sortes d'identification, c'est à savoir celle que j'ai dénotée, que j'ai mise en valeur du trait unaire de Leinziger-Zug et la façon dont il distingue de l'amour en tant que porté à un terme assurément. Eh bien, celui qu'il s'agit pour nous d'atteindre, à savoir cette fonction de l'autre en tant qu'elle est livrée par le père, et d'un autre côté, l'autre forme, celle de l'identification dite hystérique, à savoir du désir au désir, en tant que toutes les trois, ces formes d'identification, il les distingue. Que ainsi présenté, ça ne soit qu'un nœud d'énigme, je dirais raison de plus pour travailler, c'est-à-dire essayer de donner à cela qui comporte un algorithme plus rigoureux. Cet algorithme, c'est précisément celui que je tente de livrer dans le 3 même, en tant que ce 3 comme tel fait nœud. C'est évidemment la raison, si je puis dire, raison pour travailler, mais raison qui, si je puis dire, n'est pas sans nous porter tort, non pas parce que les rondes ficelles, c'est déjà une figure torique, sinon tortue, c'est bien plus loin encore de ce fait très singulier que même la la mathématique, n'est pas arrivé à trouver encore l'algorithme. L'algorithme le plus simple, à savoir, celui qui nous permettrait, en présence, certes, d'autres formes de nœuds que celles du nœud borroméen, de trouver ce quelque chose qui nous livrerait pour les nœuds, en tant qu'ils intéressent plus d'un rond de ficelle, car pour un seul rond de ficelle, se nouant à lui-même, est l'ast algorithme. Je pourrais facilement, je l'ai déjà fait, vous mettre au tableau la figure de quelque chose qui aurait à peu près le même aspect que la figure centrale et qui ne serait néanmoins qu'un seul rond de ficelle. Je dis à peu près, car évidemment, elle ne serait pas pareille. Un seul rond de ficelle, elle peut savoir ce qui est homéomorphique. À plusieurs ronds de ficelle, l'algorithme n'est pas trouvé. Ce n'est pas pourtant une raison pour abandonner une tâche qui n'engage rien d'autre que ce deux qui est ce qu'il y a de plus intéressé dans la figure de l'amour, comme je viens de vous le rappeler. L'amour, j'espère que déjà vous vous sentez plus à l'aise. L'amour, c'est passionnant. Dire ça, c'est simplement dire une vérité d'expérience. Mais le dire comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais c'est quand même faire un pas. Parce que pour qui a un petit peu, enfin, ses esgourdes ouvertes, c'est pas du tout la même chose que dire que c'est une passion. D'abord, il y a des tas de cas où l'amour, ça n'est pas une passion. Je dirais même plus, je mets en doute que ce soit jamais une passion. Je le mets en doute, mon Dieu, à cause de mon expérience. À cause de mon expérience qui ne tient pas seulement à la mienne. Je veux dire que mon expérience dans le discours analytique me donne assez de matériel. Pourquoi ? Pour qu'en somme, je puisse me permettre de faire ce dont j'ai défini la dernière fois le savoir, à savoir l'inventer. Ce qui ne vous met nullement à l'abri, surtout si vous êtes en analyse avec moi, de me le supposer, ce savoir, comme quelque chose que je n'inventerai pas. Mais si le savoir, même inconscient, est justement ce qui s'invente pour suppléer à quelque chose qui n'est que peut-être que le mystère du deux, on peut voir qu'il y a quand même patte franchie, a osé dire que si l'amour est passionnant, ce n'est pas qu'il soit passif. C'est un dire qui, comme tel, implique en lui-même une règle. Puisque dire que quelque chose est passionnant, eh bien, c'est en parler, comme d'un jeu, où l'on est en somme actif qu'à partir des règles. Il y a quand même quelques personnes qui se sont aperçues de ça depuis longtemps. À propos de tout ce qui se dit, il y a un nommé Wittgenstein particulièrement qui s'est distingué là-dedans. Donc, ce que j'avance, c'est que ma formule, là, l'amour passionnant, si je l'avance, c'est comme strictement vrai. Ouais. Strictement vrai, il y a tout de même longtemps que j'ai marqué là-dessus quelques réserves. C'est-à-dire que strictement vrai n'est jamais vrai qu'à moitié. Qu'on ne peut le vrai jamais que le midi. Il faudra quand même qu'on arrive avant la fin de l'année à formuler ce que ça comporte hein, et que je vous expliquerai plus tard. C'est tout midir du vrai. À la mort pour principe. Car le vrai, c'est quand même là quelque chose dont l'expérience analytique peut nous donner le contact. N'a aucune autre façon de pouvoir être défini que ce qui en somme fait que le corps va à la jouissance. Et que sans ceci, ce par quoi il y est forcé, ce n'est pas autre chose que le principe. Le principe par quoi le sexe est très spécifiquement lié à la mort du corps. Il n'y a que chez les êtres sexués que le corps meurt. Et ce forçage de la reproduction, c'est bien là à quoi sert le peu que c'est vrai. Je dirais même plus, comme il s'agit de la mort, c'est même pour ça que nous n'avons jamais que la vraisemblance. Parce que cette mort, principe du vrai, cette mort chez l'être parlant, en tant qu'il parle, c'est jamais que du chiquet. La mort, vraiment, pour l'avoir devant soi, c'est pas à la portée du vrai. La mort le pousse. Pour l'avoir devant soi, pour avoir affaire à la mort, ça ne se passe qu'avec le beau. Où là, ça fait touche. J'ai déjà démontré ça dans un temps, au temps où je faisais l'éthique de la psychanalyse. Et ça fait touche. Pourquoi ? Parce que les choses étant dans un certain ordre rotatoire, ça fait touche en tant que ça glorifie le corps. Là, le principe et la jouissance, ce qui est forcé, c'est le fait de la mort. Et chacun sait que ce soit au nom du corps que tout ça se produise. C'est bien ce que j'ai autrefois illustré de la tragédie d'Antigone. Et ce qui, curieusement, est passé dans le mythe chrétien. Car je ne sais pas si vous vous êtes bien aperçu que c'est pourquoi c'est fait toute cette histoire du Christ, qui ne parle que de la jouissance. C'est lisse des champs qui ne tisse ni ne file, qui traverse lui. Le mythe l'affirme, la mort, tout ça en fin de compte n'a de fin. Ce que nous voyons, enfin, c'est d'aller sur des kilomètres de toile, n'a de fin que de produire des corps glorieux dont on se demande ce qu'ils vont faire pendant l'éternité, même mis en rond dans un cercle de théâtre, ce qu'ils vont bien pouvoir faire à contempler on ne sait quoi. C'est tout de même curieux que ce soit par cette voie non pas du vrai mais du beau, que ce soit par cette voie que ce soit pour la première fois manifesté le dogme de la Trinité divine. Il faut dire que c'est un mystère. C'est un mystère que on s'est approché, mais pas sans un certain nombre de glissements. Si dans la logique d'Aristote, l'autre jour, je vous ai démontré l'éruption de je ne sais quelle théorie de l'amour, où sont fort bien distingués l'amour et la jouissance. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça ne fait que deux. Ça fait pas du tout une trinité. Mais c'est bien amusant de lire dans un traité de la Trinité d'un certain Richard de Saint-Victor la même éruption incroyable, enfin, les retours de l'amour. Le Saint-Esprit qu'on considérez comme petite amie, c'est quelque chose que je vous prie d'aller voir dans le texte. Enfin, je vous le sortirai un jour. Je ne vous ai pas traîné là ce matin parce que j'ai assez à dire aujourd'hui. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de toucher ça. Comment est-ce que c'est par le beau que quelque chose qui est la vérité même, et qui plus est, ce qu'il y a de vrai dans le réel, à savoir ce que j'essaie de vous articuler ce matin comme ça en boitant, c'est tout de même bien curieux. Ouais. En quoi le symbolique, l'imaginaire et le réel, est-ce quelque chose qui au moins aurait la prétention d'aller un peu plus loin que ce tournage en rond de la jouissance du corps et de la mort. Est-ce qu'il y a là quelque chose dont nous puissions atteindre mieux que ce qui ne nous apparaît comme signal, comme trace. Je viens de parler du vrai, du beau, d'une façon qui, pour tout dire, nous les fait fonctionner comme moyen. Faudra que je traite ce qu'il en est du bien. Est-ce que le bien dans cette histoire de nœud borroméen, ça peut se situer quelque part? Je vous le dis tout de suite. Il y a très peu de chance. Hein. Si le vrai et le beau n'ont pas tenu le coup, je vois pourquoi le bien s'en tirerait mieux. La seule vertu que je vois sortir de cette interrogation, et je vous l'indique là pendant qu'il en est temps, parce que on la verra plus. La seule vertu, c'est s'il n'y a pas de rapport sexuel, comme je l'énonce. Hein. C'est la pudeur. Voilà, c'est bien en quoi je trouve du génie à la personne qui a fait sortir une certaine atterrita sur la couverture de ma télévision. C'est que ça fait partie d'une scène où le personnage central, celui qui donne son sens à tout le tableau, c'est un démon, enfin, qui était parfaitement reconnu par les anciens pour être le démon de la pudeur. Il n'est pas spécialement drôle, c'est même pour ça que la personne, la Territa, écarte les bras avec un peu d'affolement. Alors, les noms du R, c'est peut-être les noms plus de R. Ouais. Moyennant quoi ça promet, hein? Ça promet parce que Ça prenait parce que, comme d'autre part, je pense que... Enfin, nous ne devons attendre de rien, absolument de rien, aucun progrès. J'ai dit ça comme ça à une personne. Enfin, qui, je ne sais pas du tout pourquoi je mâcherai mes mots. Dis ça à une personne qui a recraché ce foin. Enfin, très gentiment, mais c'est une personne qui n'a recraché enfin, vraiment strictement que le foin que je lui ai mis dans la bouche. Pas plus mal qu'autre chose. Ça, c'est mon foin, quoi. Alors, ça ne veut quand même pas dire qu'il n'y a pas des choses qui changent. Je suis en train d'interroger l'amour. Et je commence à lire des choses comme ça, qui sont une petite approche, simplement. Je ne sais pas comment ce qui peut arriver. Enfin, j'en dirais peut-être plus long. Si le résultat d'une extension du discours psychanalytique, puisque, après tout, je ne fais pas moins qu'à le considérer, mais comme un chancre, je veux dire que ça peut foutre en l'air un tas de choses. Si le bien dire n'est gouverné que par la pudeur, ben ça choque forcément. Ça choque, ça viole pas la pudeur. Alors, essayons de nous interroger sur ce qui pourrait arriver si on gagnait sérieusement de ce côté que l'amour, c'est passionnant, mais que ça implique... suivre la règle du jeu. Bien sûr, pour ça, faut la savoir. C'est peut-être ce qui manque. C'est qu'on en a toujours été là dans une profonde ignorance, à savoir qu'on joue un jeu dont on ne connaît pas les règles. Alors, si ce savoir faut l'inventer pour qu'il y ait savoir, c'est peut-être à ça que peut servir le discours psychanalytique. Seulement, si c'est vrai que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, il y a sûrement un truc qui va écoper, hein. Et ça, c'est pas difficile à trouver, hein. Ce qui va écoper, c'est la jouissance. Parce que, à ce machin, à l'aveugle, enfin, n'est-ce pas, qu'on poursuit sous le nom d'amour, la jouissance, ça, on n'en manque pas. Enfin, on en a à l'appel. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on n'en sait rien. Mais c'est peut-être le propre de la jouissance, justement, qu'on puisse jamais rien en savoir. Ce qui est tout de même surprenant, c'est ça, justement, qu'il n'y a pas eu de discours sur la jouissance. On n'a parler de tout ce qu'on veut, de substance étendue, de substance pensante. Mais la première idée qui pourrait venir, à savoir que s'il y a quelque chose dont puisse se définir le corps, c'est pas la vie. Puisque la vie, nous la voyons que dans des corps qui sont après tout, quoi, des choses de l'ordre des bactéries, des choses qui foisonnent comme ça. Enfin, on en a rapidement 3 kilos quand on a eu 1 milligramme. Hein. On ne voit pas bien quel rapport il y a entre ça et notre corps. Mais que la définition même d'un corps, c'est que ce soit une substance jouissante. Comment est-ce que ça n'a été encore jamais énoncé par personne? C'est la seule chose, en dehors d'un mythe, qui soit vraiment accessible à l'expérience. Un corps jouit de lui-même. Il en jouit bien ou mal. Et il est clair que cette jouissance l'introduit dans une dialectique. Où il faut incontestablement d'autres termes pour que ça tienne debout, à savoir rien de moins que... de ce nœud dont je vous sers en tartine. Que la jouissance puisse écoper à partir du moment où l'amour sera quelque chose d'un peu civilisé, c'est-à-dire où on saura que ça se joue comme un jeu, ça, c'est pas sûr que ça arrive. C'est pas sûr que ça arrive, mais ça pourrait quand même venir à l'idée, si je puis dire. Ça pourrait d'autant plus venir à l'idée que il y en a des petites traces comme ça. Il y a quand même une remarque que j'aimerais bien vous faire concernant la pertinence de ce nœud. C'est que dans l'amour, ça a quoi les corps? Et il y a quelque chose de piquant que je vais vous dire après. Hein. Ce à quoi les corps tendent, c'est à se nouer. Ils n'y arrivent pas, naturellement, parce que, vous voyez bien, ce qu'a dit nouer, c'est qu'un corps, ça n'arrive jamais à se nouer. Il n'y a même pas trace de nœud dans le corps. S'il y a quelque chose qui m'a frappé au temps que je faisais de l'anatomie, c'était bien ça. Je m'attendais toujours à avoir au moins comme ça, dans un coin, une artère ou un nerf qui loue. Il ferait ça. Rien. J'ai jamais rien vu de pareil. C'est pour ça que l'anatomie, je dois vous le dire, m'a pendant 2 ans passionné. Ça emmerde énormément. Les gens qui font leur médecine comme une corvée, comme ça, moi pas. Naturellement, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Que c'était pour ça que ça me passionnait. Je m'en suis aperçu après. On sait jamais qu'après. Enfin, mais c'est absolument certain que ce que je cherchais dans la dissection, c'était de trouver un nœud. Ouais. En quoi ce nœud borméen rejoint quand même. Pourquoi? Du fait que l'amour, enfin, c'est pas fait pour être abordé par l'imaginaire. Parce que le seul fait que quand il bafouille, hein, n'est-ce pas, faute de connaître la règle du jeu, il articule les nœuds de l'amour, hein. C'est quand même drôle que ça en reste à la métaphore, que ça n'éclaire pas. Ça ne donne pas l'idée que du côté de cette chose dont je vous ai, j'espère, comme ça, un petit peu fait sentir, côté de consistance étrange, et fait que ça se sent, enfin, que le réel, en fin de compte, ce n'est que ça, histoire de nœud. Tout le reste, ça peut se rêver. Enfin, Dieu sait s'il rêve, enfin, a de la place dans l'activité de l'être parlant. Je me laisse comme ça un tout petit peu aller, comme ça, faire des parenthèses. Vous me le pardonnerez, puisque vous me le pardonnez habituellement. Mais c'est quand même... incroyable. Que la puissance du rêve ait été jusqu'à faire d'une fonction corporelle, le sommeil, un désir. Personne ne s'est encore a jamais mis en relief que quelque chose qui est à un rythme, enfin manifestement, puisque ça existe chez bien d'autres êtres que des êtres parlants, l'être parlant arrive à en faire un désir. Il lui arrive de poursuivre son rêve comme tel. Et pour ça, de désirer ne pas se réveiller. Naturellement, il y a un moment où ça lâche. Mais que Freud ait pu aller jusque-là, c'est ce dont personne n'a vraiment relevé l'autonomie, enfin, l'originalité. Parvenons à nos nœuds métaphoriques. Est-ce que vous ne sentez pas que ce que j'essaye de faire, à y recourir, c'est à faire quelque chose qui ne comporterait aucune supposition. Parce que on a passé son temps à poser, mais à ne jamais pouvoir poser qu'à supposer. C'est-à-dire qu'on posait le corps, ça s'imposait. Mais on y supposait là. Il faudrait quand même... Ça, c'est un machin, là, que j'ai brassé, parce qu'au niveau où j'étais dans cette télévision, parler de l'âme et de l'inconscient. Hein. L'inconscient, ça pourrait être tout à fait autre chose que... qu'un supposé. Parce que le savoir... C'est vrai ce que j'en ai avancé la dernière fois. C'est pas du tout forcé de le... C'est pas du tout forcé de le supposer. C'est un savoir en cours de construction. S'il arrivait que l'amour devienne un jeu dont on saurait les règles. Ça aurait peut-être, au regard de la jouissance, beaucoup d'inconvénients. Mais ça la rejetterait, si je puis. Son terme conjoint. Et si ce terme conjoint est bien ce que j'avance, du réel, dont vous le voyez, je me contente de ce mince petit support, du nombre, j'ai pas dit le chiffre, du nombre 3. Devenant jeu dont on sait les règles, se trouvait un jour, puisque c'est sa fonction, au terme de ceci, qu'il est un des uns de ces trois. S'il fonctionnait à conjoindre la jouissance du réel, avec le réel de la jouissance. Est-ce que ce serait pas là quelque chose qui vaudrait le jeu? La jouissance du réel, ça a un sens, hein? S'il y a quelque part jouissance du réel comme tel, et si le réel est ce que je dis, à savoir, pour commencer, le nombre 3, mais vous savez, c'est pas au 3 que je tiens, hein? Vous pourriez y ajouter 1416, que ce serait toujours le même nombre, hein, pour ce qui me sert. Et puis vous pourriez aussi l'écrire 2,718, c'est un certain logarithme népérien. ça joue le même rôle. Les seuls gens qui jouissent de ce réel, c'est les mathématiciens. Ah. Alors, il faudrait que les mathématiciens passent sous le joug des jeux de l'amour qui nous en énonce un bout, qui fasse un peu plus de travail sur le nœud borroméen, car je dois vous l'avouer, enfin, j'en suis vraiment embarrassé. Plus que vous ne pouvez croire. Je passe ma journée à en faire des nœuds borroméens, comme ça, pendant que j'ai là, comme ça, je tricote, hein, pendant que... Seulement, voilà, la jouissance du réel ne va pas sans... sans le réel de la jouissance. Parce que pour que un soit noué à l'autre, il faut que l'autre soit noué à l'un. Et le réel de la jouissance, ça s'énonce comme ça. Mais quel sens donner à ce terme, le réel de la jouissance? C'est là que je vous laisse pour aujourd'hui avec un point d'interrogation. Parce que je m'y suppose à se dire dont pourtant il y a de fait qu'il soit ma voix. Quoi que je dise, ça va faire surgir deux versants. Un bien et un mal. C'est justement de ce qu'on m'a attribué de vouloir que l'imaginaire ce soit caca, bobo, un mal, et que ce qui serait bien serait le symbolique. Nous revoilà donc à formuler une éthique. C'est ça que je veux dissiper le malentendu, parce que cette année, je vous avance de cette structure de nœud où je mets l'accent sur ceci. C'est du 3. Que si introduit le réel. Tout ceci n'empêche pas que ce nœud lui-même, il est singulier. Si ce que j'ai la dernière fois avancé est vrai, renseignez-vous auprès des mathématiciens. C'est à savoir que ce nœud si simple, ce nœud à 3, l'algorithme, à savoir ce qui permettrait d'y apporter ce à quoi le symbolique aboutit. Qui permettrait d'y apporter ce à quoi le symbolique aboutit, à savoir la démonstration, l'articulation en termes de vérité. Si cet algorithme, nous en sommes réduits à y constater notre échec à l'établir, à le manier. D'où il résulte qu'au moins jusqu'à nouvel ordre, c'est neutre. Ces nœuds dont je puis faire l'écriture, je vous l'ai fait la dernière fois sous plus d'une forme, vous en êtes réduit sur la base de cette écriture à l'imaginer dans l'espace. C'en est même au point que si ce que je peux faire sous sa forme la plus simple, ces nœuds projetés, quelque chose que vous pouvez imaginer, à savoir en quoi cette troisième boucle peut s'instaurer d'un trajet qui ces deux nœuds indépendants, voyez, c'est-à-dire l'imagine de ces deux nœuds indépendants, fait ce nœud triple que j'appelle le nœud Borromère, ceci, si ainsi représenté, vous êtes imaginable dans l'espace, vous pouvez le voir tout aussi bien que n'importe quelle autre façon que j'aurais eu d'écrire ce nœud, vous pouvez constater que c'est aussi une écriture, à savoir qu'en en effaçant un, je pourrais calculer que les deux autres sont libres. Je veux dire un quelconque. Que ce qui fait imaginaire dans la façon dont vous pouvez sentir que dans l'espace ils sont retenus, que ceci même est écriture, car il suffit que j'en efface un, pour pouvoir repérer que les deux autres sont libres à ce seul titre qu'ils se recoupent d'une certaine façon. Elle est nommable de ceci, c'est à savoir que le dessus et le dessous forment deux couples appariés de ce que les deux dessus se suivent et que les deux dessous ne sont pas sur la même ligne. Je veux dire qu'ils se succèdent par rapport aux deux dessus, qu'il y a un tour qui veut que, pour démontrer que deux de ces cercles sont libres, il suffit qu'il y ait deux dessus qui se suivent, puis deux dessous qui viennent après. J'ai dit sur la même ligne. J'ai probablement tout à l'heure fait fait une erreur en disant qu'ils ne sont pas sur la même liste. C'est un lapsus. L'énigme de l'écriture en tant que mise à plat est là. C'est qu'aussi bien à tracer qui est essentiellement l'ordre de l'imaginable, à savoir cette projection dans l'espace, c'est encore une écriture que je fais, à savoir ce qui est énonçable, énonçable de cet algorithme ici le plus simple, à savoir une succession. Ce coin sage, à savoir qu'à l'imaginer, vous retrouvez l'idée de la norme, que la norme est imaginable dès qu'il y a support d'image. Et que là, nous sommes toujours amenés à en privilégier une. Une imagination de ce qui fait bonne forme. Curieuse rechute. Pourquoi la forme est-elle dite bonne? Car après tout, pourquoi? Ne l'aurait-on pas appelée simplement ce qu'elle est, à savoir belle? Nous reglissons avec l'antique Kallokagathos dans cette ambiguïté, dans cette ambiguïté qui, elle, s'avoue à cette date. À la date, c'était ainsi que les Grecs s'exprimaient et qu'en fin de compte, ce qu'on retrouve toujours, c'est le titre de noblesse, l'ancienneté de la famille, ce qui, comme vous le savez, pour le généalogiste, toujours prouvable pour n'importe quel imbécile et donc aussi pour n'importe quelle imbécilité. Je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais d'imaginer quoi que ce soit. Si cette imagination est la bonne, ce que j'avance, c'est que la bonne, elle ne se certifie que de pouvoir se démontrer au symbolique, ce qui veut dire à l'intitulé symbolique, à une certaine démantibulation de la langue, en tant qu'elle fait accéder à quoi? À l'inconscient. L'imaginaire n'en reste pas moins ce qu'il est, à savoir d'or, d'apostrophe O-R. Et ceci est à entendre qu'il dort, D-O-R-T. Il dort, si je puis dire, au naturel. Ceci dans la mesure où je ne le réveille pas spécialement sur le point des éthiques précédentes. Trop soucieux que je suis de celle de cette éthique, nommément, avec quoi je voudrais rompre, celle du bien, précisément. Mais comment faire? Si réveillé, c'est dans l'occasion rendormie, si dans l'imaginaire il y a quelque chose qui nécessite le sujet à dormir. Rêver n'a pas seulement dans la langue dont je me sers, cette étonnante propriété de structurer le réveil. Il structure aussi la révolution. La révolution, si nous l'entendons bien, ça va plus fort que le rêve. Cette fois, c'est le rendormissement cataleptique. Il faudrait arriver à ce que je promeuve. Que je fasse entrer pour vous dans vos cogitations ceci que l'imaginaire est la prévalence donnée à un besoin du corps qui est dormi. Ce n'est pas que le corps de l'être parlant est plus besoin du sommeil que les autres animaux, sans que nous sachions d'ailleurs toujours en donner le signe, que les autres animaux qui, eux, fonctionnent avec le sommeil. La fonction de sommeil, d'hypnose, chez l'être parlant, ne prend cette prévalence dont j'ai parlé pour l'identifier à l'imaginaire même, ne prend cette prévalence que de l'effet de cette nodalité. De cette nodalité de nous. Ne noue le symbolique à l'imaginaire, mais aussi bien vous pourriez là mettre n'importe quel autre couple, des trois, ne les noue que de l'instance du trois, en tant que je la fais, celle du réel. Si donc, je vous réveille à l'endroit de ce dont tout de même notre antique Kalokagathos nous permet de dater la formule dans le souverain bien d'Aristote. Quand j'ai fait l'éthique de la psychanalyse, c'est à l'éthique à Nicomaque que je me suis référé comme départ. Mais je me suis gardé là-dessus de réveiller. Car si je réveille à l'imaginaire manifeste de ce souverain bien, que ne vont-ils pas rêver? Non pas qu'il n'y a pas de bien, ce qui les entraînerait un tout petit peu trop loin pour leur bien-être, mais qu'il n'y a pas de souverain, moyennant quoi le souverain effectif, celui qui sait user du nœud, trouve son affaire, parce que c'est par là. Qu'est-ce que c'est par là que le sommeil se fait désirer à ceux pour qu'ils rencontrent chez eux la complicité du rêve, à savoir le désir que ça continue à bien dormir. Il convient donc que tout énoncé se garde justement en ce qu'il révolutionne de maintenir règne de ce à quoi il réveille. Petite parenthèse, puisqu'aussi bien cela n'est pas aisé à comprendre comme motif de ce discours dans lequel je me trouve pris du fait d'en être le sujet de par mon expérience, l'expérience dite analytique. Bien sûr, y a-t-il ceux qui, pour que cette expérience, ils ne la mettent pas au pied du mur, ils ne s'y exposent pas comme tels, ont tout de même soupçon de quelque chose qui les démange. Les simplement démangés n'ont pas beaucoup d'imagination. Quand ils flairent quelque chose des suites de mon discours, ils dégotent quelques traits biographiques. Par exemple, ceci, que j'ai fréquenté les surréalistes et que mon discours emporte la trace. Il est tout de même curieux qu'avec les dits surréalistes, je n'ai jamais collaboré. Si j'avais dit ce que je pensais, à savoir qu'avec le langage, je veux dire en s'en servant ce qu'il démolissait, c'était l'imaginaire. Qu'est-ce que je n'aurais pas produit? Je les aurais peut-être réveillés. Réveillés simplement en sursaut à ceci que je me serais trouvé bel et bien dire. C'est que de l'un à l'autre, de l'imaginaire au symbolique dont justement on ne soupçonnait pas l'existence, il rétablissait l'ordre. Est-ce que je peux vous faire entendre que le sort de l'être parlant, c'est qu'il ne peut dire, qu'il ne peut même pas dire, j'ai bien dormi. C'est-à-dire, du sommeil profond, j'ai bien dormi de telle heure à telle heure, pour la simple raison qu'il n'en sait rien, ses rêves, encadrant le sommeil profond, ayant consisté dans le désir de dormir. C'est seulement à l'extérieur, à savoir, lui soumis à l'observation d'un électroencéphalogramme, par exemple, que peut se dire qu'effectivement, telle heure, le sommeil était profond. C'est-à-dire pas habité de rêves, ces rêves dont je dis qu'ils sont le tissu de l'imaginaire, qu'ils sont le tissu de l'imaginaire en tant que c'est d'être pris dans le nœud, ce réel. Que son besoin principal, devient cette fonction élue, la fonction de dormir. Ce passage de l'imaginaire au crible du symbolique suffit-il à donner, à l'énoncé, le premier, celui de l'imaginaire, le tampon bon, bon pour le service, le Le service de quoi? Je ne crois pas forcer la note en posant cette question. Puisqu'il faut bien le dire, personne n'a jamais approché cette question sans soulever par quelque bout une idée de souveraineté, c'est-à-dire de subordination. C'est vrai que le bien ne peut être dit que souverain. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est là que se dénonce quelque chose comme une infirmité? Je fais appel à ceux qui, justement, ont l'imaginaire éveillé, à condition que ça ne supporte chez eux aucun espoir, car il est tout à fait entendu que je ne dis, moi, rien de tel, mais que je ne dis pas le contraire non plus. À savoir que le bien est souverain. De sorte que le dit imaginaire, mon dire de nos jours, y opère, certes, mais que ce n'est pas par là qu'il l'attaque. Il dit seulement que l'imaginaire, c'est ce par quoi le corps cesse de rien dire, qui vaille de s'écrire autrement que j'ai dormi de telle heure à telle heure. Ça ne change rien au fait que ça démange. La vérité démange même ceux que, sans trop y croire, j'appelle les canailles. Parce qu'en fin de compte, il suffit que la vérité démange pour que ça touche au vrai par quelque biais. Dites n'importe quoi, ça touchera toujours au vrai. Si ça ne touche pas au vôtre, pourquoi ça ne toucherait-il pas au mien? Voilà le principe du discours analytique, et c'est en cela que j'ai dit quelque part, et à quelqu'un qui a fait, ma foi, un fort joli petit bouquin sur le transfert, c'est le nommé Michel Néro, en quoi je lui ai dit que commencer comme il le fait par ce qu'il appelle le contre-transfert, si par là il veut dire en quoi la vérité touche l'analyste lui-même, il est sûrement dans la bonne voie. Puisqu'après tout, c'est là que le vrai prend son importance primaire. Et que, comme je l'ai fait remarquer depuis longtemps, il n'y a qu'un transfert, c'est celui de l'analyste. Puisqu'après tout, c'est lui qui est le sujet supposé au savoir. Il devrait bien savoir à quoi s'en tenir là-dessus, sur son rapport au savoir. Jusqu'où il est régi par la structure inconsciente qui l'en sépare de ce savoir. Il l'en sépare, bien qu'en sachant un bout, et je le souligne, autant par l'épreuve qu'il en a faite dans sa propre analyse, que par ce que mon dire peut lui emporter. Est-ce à dire... Est-ce à dire... que le transfert... ce soit l'entrée de la vérité. C'est l'entrée de quelque chose qui est la vérité, mais la vérité dont justement le transfert et la découverte, la vérité de l'amour. La chose est notable. Le savoir de l'inconscient, le savoir de l'inconscient s'est révélé, s'est construit. C'est bien le prix de ce petit lit, c'est son seul prix d'ailleurs, mais ça vaut qu'on l'achète. La vérité de l'inconscient, c'est-à-dire la révélation de l'inconscient comme savoir. Cette révélation de l'inconscient s'est faite de façon telle que la vérité de l'amour, à savoir le transfert, n'y a fait qu'irruption. Elle est venue en second. Et on n'a jamais bien su y faire rentrer, si ce n'est sous la forme du malentendu, de la chose imprévue, de la chose dont on ne sait que faire, si ce n'est dire qu'il faille la réduire, voire même la liquider. Cette remarque à elle toute seule justifie qu'un petit lit sache le faire valoir, car aussi bien faut-il se pénétrer en ceci que de l'expérience analytique. Le transfert, c'est ce qu'elle expulse. C'est ce qu'elle ne peut supporter qu'à en avoir de forme au destomac. L'amour, s'il passe ici par cet étroit défilé de ce qui le cause et de ce fait révèle ce qu'il en est, de sa véritable nature, voilà, voilà-t-il pas qui vaille qu'on en répète la question. Car il est difficile de pas avouer que l'amour, ça tient une place, même si jusqu'ici, on en a été réduit à, comment on dit, lui rendre ses devoirs. Avec l'amour, on s'acquitte, on lui verse une obole. Enfin, on tente de tous les moyens de lui permettre de s'éloigner, de se tenir pour satisfait. Comment donc l'aborder? J'ai promis à Rome, je ne sais plus quel jour, de faire une conférence sur l'amour et la logique. C'est bien en la préparant que je me suis aperçu de l'énormité, en somme, de ce que supporte mon discours. Car il n'y a à peu près rien qui m'est paru dans le passé en rendre compte si peu que ce soit. C'est là que je m'aperçois qu'en fin de compte, ce n'est pas pour rien que Freud, dans ce que je citais la dernière fois, à savoir l'intitulé de la psychologie dite justement des masses et l'analyse du moi en signalant que l'identification, là, il la confronte à l'amour et sans le moindre succès pour essayer de rendre passable que l'amour participe en quoi que ce soit de l'identification. Simplement là s'indique que l'amour a affaire à ce que j'ai isolé du titre du nom du père. C'est bien étrange. Le nom du père auquel j'ai fait tout à l'heure l'allusion ironique qu'on sait, à savoir qu'il aurait rapport à l'ancienneté de la famille, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que là-dessus l'Édipe, le dit Édipe, nous apprend? Eh bien, je ne pense pas que ça puisse s'aborder de front. C'est pourquoi, dans ce que j'ai projeté aujourd'hui de vous dire, ceci sans doute au titre d'expérience qui m'avait moi-même fatigué, je voudrais vous montrer comment monnaie ce nom. Ce nom quand peu de cas, nous ne voyons pas au moins refoulé. Il ne suffit pas pour porter ce nom que celle de qui s'incarne l'autre, l'autre comme tel, l'autre avec un grand A. Celle, dis-je, de qui l'autre s'incarne, fait que s'incarner d'ailleurs, incarne la voix, à savoir la mère. La mère par laquelle la parole se transmet. La mère, il faut bien le dire, en est réduite. Ce nom, elle le traduit par un nom, N-O-N. Justement, le nom que il bat, ce qui nous introduit au fondement de la négation. Est-ce que c'est la même négation fait cercle dans un monde qui a défini quelque essence nature universelle, soit ce qui supporte tout. Justement, rejette quoi? Hors du tout. Mener de ce fait à la fiction d'un complément tout et fait à tout homme répondre de ce fait ce qui est non-homme. Est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a béance de ce nom logique au dire non propositionnel, dirais-je, pour le supporter, à savoir ce que je fais fonctionner dans mes chaînes de l'identification sexuelle, c'est à savoir que tout homme ne peut s'avouer dans sa jouissance, c'est-à-dire dans son essence, phallique pour l'appeler par son nom, que l'homme parvient que à se fonder sur l'exception de quelque chose, le père, en tant que propositionnellement, il dit non à cette essence. Le défilé du signifiant, par quoi passe à l'exercice ce quelque chose qui est l'amour, c'est très précisément ce nom du Père, ce nom du Père qui n'est non N-O-N qu'au niveau dit et qui se monnaie par la voix de la mer, dans le dire non, certain d'interdiction, ceci dans le cas heureux, celui-là où la mer vient de sa tête va proférer quelques nutations. Il y a quelque chose dont je voudrais désigner l'incident. Parce que c'est le biais d'un moment qui est celui que nous vivons dans l'histoire. Il y a une histoire, quoi que ce ne soit pas forcément celle qu'on croit. Ce que nous vivons est très précisément aussi que curieusement la perte. La perte se supporterait de la dimension de l'amour, si c'est bien celle, non pas que je dis. C'est pas la perte, c'est sa concentration. Je ne peux la dire. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la perte, c'est sa concentration. Je sa ne mise peux en pas la dire. C'est ça le refus. À ce nom du père se substitue une fonction qui n'est haut que celle du nommer à, être nommé à quelque chose. Voilà ce qui pointe dans un ordre qui se trouve effectivement se substituer au nom du père. À ceci près qu'ici, la mère, généralement, suffit à elle toute seule, à en désigner le projet, à en faire la trace, à en indiquer le chemin. Si le désir de l'homme, je l'ai défini pour être le désir de l'autre, c'est bien là que ça se désigne dans l'expérience. Et même dans les cas ou comme ça, par hasard, enfin, il se trouve que par un accident, elle n'est plus là. C'est quand même elle, son désir, qui désigne à son moutard projet qui s'exprime par le nommer à. Être nommé à quelque chose, voilà ce qui, pour nous, à ce point de l'histoire où nous sommes, au futur charnier que tu prépares avec un tas d'eau, je trouve, c'est à ça que tu préférais, je veux dire effectivement préférer, passer avant ce qu'il en est du nom du père. Il est tout à fait étrange que là, le social prenne une prévalence de nœud qui littéralement fait la trame de tant d'existence, c'est qu'il détient ce pouvoir du nommé à, au point qu'après tout, s'en reste un ordre qui est de faire. Qu'est-ce que cette trace désigne comme retour du nom du père dans le réel, entend précisément que le nom du père est verworfen, forclos, rejeté, et qu'à ce titre, il désigne, si cette forclusion dont j'ai dit qu'elle est un principe de la folie même, est-ce que ce noméa n'est pas... Est-ce que ce noméa n'est pas forclusion le dure. Signe d'une dégénérescence catastrophique? Pour l'expliquer, il faut que je donne plein sens à ce que j'ai désigné du terme tel que je l'écris, de l'existence. Si quelque chose existe à quelque chose, c'est très précisément de n'y être pas couplé. D'en être croisé, si vous me le permettez, ce néologisme. La forme du nœud, puisqu'aussi bien le nœud n'est rien de plus que cette forme, c'est-à-dire imaginable. Est-ce que ce n'est pas là que l'imaginable se désigne de ne pouvoir être pensé? Penser, c'est-à-dire mise en ordre, enraciné, non pas seulement dans l'impossible, mais dans l'impossible en tant que démontré comme tel. Rien n'est démontré par ce nœud, mais seulement montré. Montrer ce que veut dire l'existence. D'un rond de ficelle, pour me faire comprendre. D'un rond de ficelle, en ce temps que ce n'est que sur lui que repose le nœud de ce qui autrement reste fou. L'explication ne mordant pas sur l'inexplicable. Est-ce que ce n'est pas là que nous devons chercher dans ce qui possède, nous possède comme sujet, qui n'est rien d'autre qu'un désir, et qui plus est, désir de l'autre, désir par quoi nous sommes d'origine aliénés. Est-ce que ce n'est pas là que doit porter, à savoir dans ce phénomène, cette apparition à notre expérience, que comme sujet, ce n'est pas seulement n'avoir nulle essence, sinon d'être coincé, squeezé dans un certain nœud, mais aussi bien comme sujet, sujet supposé de ce que squeeze ce nœud. Comme sujet, ce n'est pas seulement l'essence ou manque, à savoir l'être. C'est aussi bien que nous existe tout ce qui fait nœud. Mais dire que cela nous existe ne veut pas dire que pour autant nous y existions d'aucune façon. C'est dans le nœud même que réside tout ce qui, pour nous, n'est en fin de compte que pathétique. Que Kant a repoussé comme à l'avance de notre éthique, à savoir que rien dont nous pâtissions ne puisse d'aucune façon nous diriger vers notre bien. C'est là quelque chose qu'il faut entendre, on ne sait comment, comme un prodrome, j'ose le dire, et c'est en cela que j'ai écrit une fois Kant avec Sade, comme un prodrome de ce qui fait effectivement notre passion, à savoir que nous n'avons plus aucune espèce de ce qui pour nous tracerait la voie de bien. Au moment où cette voie expire, au moment où quand fait le geste de ce mince recours, de cette liaison infime avec ce qu'Aristote a instauré comme l'ordre du monde, les arguments qu'il avance, quels sont-ils? Pour faire sentir la dimension de ce qui est le devoir, qu'avance-t-il? Ce qu'il avance, c'est prétendument qu'un amoureux, près d'obtenir le succès de sa jouissance. Il regardera à deux fois si, devant la porte de sa maîtresse, le gibet est déjà dressé auquel on l'attachera. Et d'opposer à cela, que bien entendu, personne ne risquera jamais un pareil truc, alors qu'il est tout à fait au contraire évident que n'importe qui est capable de le faire, s'il en veut, simplement. Alors que ce qu'il oppose à ça, c'est que, comme si tel a une supériorité, c'est que sommé par le tyran de diffamer un autre sujet, quelqu'un y regardera deux fois avant de porter un faux témoignage. À quoi dans mon texte, quand avec ça, car j'ai écrit des choses très bien, des choses auxquelles personne ne comprend rien, bien sûr, mais c'est simplement parce qu'ils sont sourds. À quoi j'ai opposé? Mais si, pour désigner la main du tyran, celui que le tyran désire atteindre, il suffisait non pas d'un faux, mais d'un vrai témoignage. Si je fais, bien sûr, à foutre tout le système par terre pour la raison que la vérité est toujours pour le tyran. C'est toujours vrai que le tyran, on ne peut pas le supporter. Et par conséquent, celui que le tyran veut atteindre, il a déjà ses raisons pour ça. Ce qu'il lui faut, c'est un semblant de vérité. Le biais par où ici, quand fait la fente, ce biais n'est pas bon. D'où il résulte la formule qui se dégage simplement de ces deux termes. Entre quoi, quand fait la rentrée de la raison pratique, c'est-à-dire voire morale, c'est que l'essence de ce dont il s'agit dans le bien, c'est que le corps force sa jouissance, à savoir la réprime, et simplement ceci, au nom de la mort de soi ou de la mort de quelqu'un d'autre, dans l'occasion celui qu'il songera à épargner, mais cette formule, une fois serrée, est-ce que cela ne réduit pas le bien à sa juste portée? Est-ce que, ces termes dont se font les trois du réel, en tant que réel lui-même est trois, à savoir la jouissance, le corps, la mort, en tant qu'ils sont noués seulement, bien entendu, par cette impasse invérifiable du sexe, véhicule la portée du discours devenu dont ce n'est pas rien que quelque chose l'est nécessité. Le discours analytique dont vous permettrez de reprendre le réel relais. Le 9 mai, deuxième mardi, et non pas ensuite le troisième, mais le quatrième, qui ne sera pas donc celui d'après Pâques, le 16 avril, mais celui 23. Quoi? Avril. Monsieur Mazerand. Thank you. comment ça a été aujourd'hui. Jean Calin. J'étais très fatigué aujourd'hui. Quoi? Vous avez trouvé que c'était... Attendez. Hein?